Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Et notre religion, qu'Allah nous a commandé, consiste à suivre le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Il est obligatoire à tous les musulmans de suivre le chemin qu'ont emprunté les compagnons du messager d'Allah. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Je vous ai laissé sur la voie blanche, claire, de jour comme de nuit. Ne s'en écartera que celui qui aura couru à sa perte. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. C'est-à-dire que quiconque suit une voie autre que cette voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons court à sa perte. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. S'ils venaient à disparaître, alors ce qui a été promis à ma communauté arrivera assurément. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj au Yémen. Il nous incombe donc de bien comprendre les versets d'Allah, ainsi que la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des vieux prédécesseurs. Sermon numéro 6, Irshad al-Salaf, ila fahmi al-Salaf, l'orientation des successeurs vers la compréhension des prédécesseurs. Il est donc obligatoire à chaque musulman de se contenter de ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons, ridwanullahi alayhim, se sont contentés en matière de pratiques religieuses. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis.

Allah Azza wa Jalla a ainsi exposé que celui qui se désunira du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui aura été montrée, ainsi que la manière d'appliquer la religion des premières générations de croyants parmi les compagnons du messager d'Allah radiyallahu anhum, et de ceux qui leur ont succédé, qu'il se détournera de lui comme il s'est détourné, et qu'il le laissera s'enfoncer dans son égarement, et qu'il le délaissera jusqu'à sa mort. Puis il le châtiera pleinement en rétribution de son détournement, et il le jettera en enfer. Et quelle mauvaise destination! Cet avertissement venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est très grave concernant le fait de contredire la façon originale de pratiquer la religion et de s'opposer à cette méthodologie droite. Allah azawajal a dit dans son noble livre exposant les sentiers qui mènent à l'égarement et ceux qui mènent à la guidée: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront assurément sur la bonne voie, mais s'ils s'en détournent, alors ils se désuniront très certainement, et Allah te suivira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, a ainsi clairement expliqué à travers ces versets que tous ceux qui croiront, comme ont cru les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, seront assurément bien guidés, que cela concerne la parole, les gestes, les convictions religieuses ou tout autre genre d'adoration. En revanche, s'ils s'écartaient et s'éloignaient de cette méthodologie, ils se seront alors désunis d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son livre. Alors ils se désuniront très certainement, de même qu'ils seront dans l'entêtement, et Allah subhanahu wa ta'ala préservera les croyants du mal de ces gens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لَنْ يَذُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْسَرُونَ. Ils ne vous causeront que d'insignifiantes nuisances, et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos et ne seront point secourus. Et celui qui aura contredit cette compréhension et se sera détourné vers une autre qu'elle, se sera désuni et obstiné, et Allah subhanahu wa ta'ala préserve les croyants du mal de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront assurément sur la bonne voie, mais s'ils s'en détournent, alors ils se désuniront très certainement, et Allah te suivira contre eux, il est l'audient et l'omniscient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit, commandant son messager ainsi que l'ensemble des croyants: Ihdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les juifs, tandis que les chrétiens sont ceux qui se sont égarés. Et tous ont en réalité encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sont égarés à cause de leur mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et ce mode de vie que vivaient les moines et qu'ils s'inventèrent, ne leur avions nullement prescrit, si ce n'est la recherche de l'agrément d'Allah. Ainsi, ils ne l'observèrent pas comme ils se devaient. Nous récompensâmes donc ceux d'entre eux qui crurent, mais nombreux d'entre eux étaient des pervers, c'est-à-dire qu'ils ne leur avaient pas été demandé de mener cette vie monastique que vivaient leurs moines, mais uniquement de rechercher l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont ainsi détournés de cet ordre et ont préféré vivre ce mode de vie. Et les gens qui ont la meilleure compréhension de la religion d'Allah, et les plus savants à propos des rites religieux, et les plus pieux aussi après les prophètes et les messagers, sont les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Vous êtes la meilleure des communautés d'hommes que l'on a fait apparaître sur terre. Vous ordonnez le convenable et condamnez le blâmable, et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, cela serait meilleur pour eux. Il y en a parmi eux qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ce discours vise en premier lieu les compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: lil fuqara'i al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun. Aux pauvres qui ont émigré de la Mecque vers Médine, qui ont été expulsés de leur demeure et à qui on a confisqué leurs biens en recherchant une faveur d'Allah et un agrément et portant secours à la cause d'Allah ainsi qu'à son messager, ceux-là sont les véridiques. Ceci est une éloge de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum as-sadiqun. Et portant secours à la cause d'Allah ainsi qu'à son messager, ceux-là sont les véridiques. Et il a ensuite dit: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Qui s'étaient installés dans le pays et qui les avaient précédés dans la foi. Ces derniers aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent et les prévaut à eux-mêmes, même en période de pénurie. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent, de même qu'à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru. Seigneur, tu es certes compatissant et très miséricordieux. Ces caractéristiques ne se regroupent que chez qui Allah aura voulu le bien. Et dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après le récit d'Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Houd en or, cela ne saurait atteindre une poignée de leur récompense, ni même la moitié. Ceci est une éloge grandiose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, faite à cette génération d'hommes, ridwanullahi alayhim. Et dans le recueil d'Al-Bukhari, d'après le récit d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: car il ne viendra pas une époque après la vôtre sans que celle qui la suivra ne soit pire qu'elle, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. On comprend donc de ce récit que la première époque est la meilleure des époques et la plus méritoire aussi, et que les gens qui y vivaient étaient les plus pieux. Et il a de même été rapporté, d'après le récit d'Ibn Mas'ud et d'Imran ibn Hussein et de Abu Huraira ridwanullahi alayhim et d'autres encore, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, puis ceux qui leur succéderont, puis ceux qui leur succéderont. Et dans une autre version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs d'entre vous sont ceux de mon époque, puis ceux qui leur succéderont, puis ceux qui leur succéderont. Et viendra après eux une génération de gens qui trahiront et en qui on n'aura pas confiance, et qui témoigneront dans des affaires sans que personne ne leur demandera de le faire, et qui ne répondront pas à leur engagement, et chez qui apparaîtra l'obésité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ainsi exposé que ces époques sont les meilleures des époques, et que ces générations d'hommes sont les meilleures des générations, et qu'ils ne se trouveront parmi les générations qui leur succéderont que ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et Ahmed a rapporté dans son Musnad, son recueil de récits, le récit d'Abu Umama radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans un bien tant qu'il y aura parmi eux des gens qui auront vécu avec ceux qui m'ont vu. Par Allah, ils ne cesseront d'être dans un bien tant qu'il y aura parmi eux des gens qui auront vécu avec ceux qui m'ont vu. C'est-à-dire, tant qu'il se trouvera parmi eux des gens qui auront vécu avec les compagnons du prophète, ridwanullahi alayhim. Et il s'agit là de la deuxième génération de croyants. Et dans une autre version, ils ne cesseront d'être dans un bien tant qu'il se trouvera parmi eux des gens qui auront vécu avec des gens qui auront vécu avec des gens qui m'ont vu. C'est-à-dire, tant qu'il se trouvera parmi eux des gens qui auront vécu avec des gens qui auront vécu avec les compagnons du prophète, ridwanullahi alayhim. Et il s'agit là de la troisième génération de croyants. et dans les deux recueils de récits authentiques, d'après le récit d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra d'un temps durant lequel des gens iront en rasoir, en expédition dans le sentier d'Allah, et il sera dit: y a-t-il parmi vous des compagnons du prophète? Ils diront oui. Les portes des contrées s'ouvriront alors à eux et l'islam se propagera. Puis viendra un autre temps où il sera dit: y a-t-il parmi vous des compagnons du prophète? Ils diront oui. Les portes des contrées s'ouvriront alors à eux et l'islam se propagera encore. Puis viendra un autre temps où il leur sera dit: y a-t-il parmi vous des compagnons du prophète radiallahu anhum? Ils diront oui. Les portes des contrées s'ouvriront alors à eux et l'islam continuera à se propager. Et l'imam muslim a rapporté dans ce recueil de récits authentiques, d'après le récit d'Abu Moussa radiallahu anhu, qui a dit: nous priâmes la prière du Maghrib en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous dirent entre nous: et si nous restions dans la mosquée afin de prier la prière du Isha avec lui, c'est-à-dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous restâmes ainsi à l'attendre. Puis il vint à nous et dit: vous êtes encore là? Nous dire: ô messager d'Allah, nous avons prié la prière du Maghrib en ta compagnie, puis nous avons décidé ensemble de rester afin de prier la prière du Isha avec toi. Il dit alors: cela est très bien de votre part. Il leva ensuite son regard vers le ciel, et il levait souvent son regard vers le ciel. Puis il dit: les étoiles sont une sécurité pour le ciel. Si elles venaient à disparaître, alors ce qui a été promis au ciel arrivera assurément, c'est-à-dire la fin des temps. Et moi, je suis une sécurité pour mes compagnons. Si je venais à disparaître, alors ce qui a été promis à mes compagnons arrivera assurément. Et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté. S'ils venaient à disparaître, alors ce qui a été promis à ma communauté arrivera assurément. Le savant An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit: le sens de la parole et mes compagnons sont une sécurité pour ma communauté, s'ils venaient à disparaître, alors ce qui a été promis à ma communauté arrivera assurément, est que si les compagnons du messager d'Allah radiallahu anhum disparaissaient, alors ce qui a été promis aux gens comme trouble et mal allait certainement se passer. Donc si l'affaire est telle, il est obligatoire à tous les muslimounes de suivre le chemin contemple empruntez les compagnons du messager d'Allah ridwanullahi alayhim, jusqu'à ce qu'ils échappent à la perdition et qu'ils soient préservés des innovations religieuses, de l'égarement ainsi que des troubles et de toutes choses qui mènent à la perte de l'homme. Et Muslim a certes rapporté, d'après le récit d'Abu Darda radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé sur la voie blanche, clair, de jour comme de nuit, ne s'en écartera que celui qui aura couru à sa perte. Et toi, si tu méditais sur ce récit et sur le discours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donné à ses compagnons, tu constateras que ce dernier les informa qu'il les a laissés sur une voie claire et limpide. Je vous ai laissé sur une voie blanche, claire, de jour comme de nuit. Donc nul ne s'écartera de cette sunna, cette tradition prophétique qu'a laissé le messager sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, et qu'ont laissé les compagnons à ceux qui les ont suivis, si ce n'est quelqu'un qui aura couru à sa perte. C'est-à-dire que quiconque suit une voie autre que cette voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons court à sa perte. Et du même genre que ce récit, celui qui a été établi d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous ces groupes iront au feu, excepté un seul d'entre eux. Et dans une autre version, les compagnons dirent: et qui est ce groupe au messager d'Allah? Il dit: il s'agit de ceux qui seront sur ce sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons, comme méthodologie. Donc le malheureux sera celui qui n'aura pas désiré suivre le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui de ses compagnons radiallahu anhum, et s'y sera opposé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِبْهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'écartent de son cheminement, c'est-à-dire de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'y opposent, qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes ordonné de suivre le livre d'Allah, le Coran, et la sunna, sa tradition prophétique, selon la compréhension de ses compagnons, radiallahu anhu, ainsi que celle des plus prédécesseurs. Et parmi ceux qui prouvent tout ceci, Il y a le récit qu'a rapporté At-Tirmidhi et d'autres, d'après Al-Irbad ibn Sariyya, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta un jour, après la prière de l'aube, d'une exhortation éloquente qui fit couler les larmes et craindre les cœurs. Un homme dit alors, ce sermon ressemble à l'annonce de ton départ. Que nous conseilles-tu donc au messager d'Allah? Il dit, je vous conseille la crainte d'Allah, la soumission et l'obéissance au gouverneur, quand bien même il s'agirait d'un Éthiopien. Car celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de désaccords et de divisions. Et prenez garde aux innovations religieuses, car elles ne sont qu'égarements. Et quiconque parmi vous atteindra cette époque, qu'il s'accroche donc à ma sunna, ainsi que celle de mes successeurs bien orientés et bien guidés, c'est-à-dire les califes parmi les compagnons du prophète radiallahu anhu. Il dit ensuite, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux innovations religieuses, car toute innovation n'est qu'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ يُشَارِغِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après que le droit chemin lui aura été apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, c'est-à-dire des compagnons du prophète ridwanullahi alayhim, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ordonnant son prophète de suivre le chemin de ceux qui ont été envoyés avant lui, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Voilà ce qu'Allah a guidé, suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pour cela aucun salaire, mais il ne s'agit là que d'un rappel à l'attention de tout l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les prophètes sont-elles des frères d'un même et unique père, mais de mères différentes? Leurs lois et leurs rites sont différents, mais leur religion est une seule. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il a aussi dit subhanahu wa تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Et rappelle-toi le frère Ahad quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, alors que des avertisseurs étaient passés avant lui et passeront après lui en disant, n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Tous ces prophètes, du premier au dernier, étaient sur ce chemin. Ils appelaient les gens à les suivre et leur interdisaient de s'y opposer et de s'en écarter. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté dans son ventre, subissant pour lui peine sur peine, même après sa naissance, durant son sevrage, qui dure 2 ans. Sois donc reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, et c'est vers moi qu'est la destination finale. Et si tous les deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais comporte-toi néanmoins avec eux dans cette vie d'ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui revient à moi repentant. Ensuite, c'est vers moi que sera votre retour. Je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Connaissez-vous des gens qui revenaient repentant à leur Seigneur plus que les compagnons du messager d'Allah ridwanullahi alayhim et ceux qui leur ont succédé et qui étaient meilleurs qu'eux concernant la mise en application de la religion et le suivi de ses commandements? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et suis le sentier de celui qui revient à moi repentant, ensuite c'est vers moi que sera votre retour, je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé de suivre le chemin de celui qui revient à lui repentant, d'emprunter le sentier de ses pieux prédécesseurs ridwanullahi alayhim et de suivre leur méthodologie. Et et que celui qui aura contredit cela se sera désuni, et Allah préservera les musulmans de son mal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront assurément sur la bonne voie, mais s'ils s'en détournent, alors ils se désuniront très certainement, et Allah te suivira contre eux, et il est l'audient, l'omniscient. Et il a certes été établi d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: il viendra avant l'heure de la fin des temps une époque de trahison. Et les savants ont dit à ce sujet que cela ne sera pas dans l'absolu, car le groupe sauvé sera toujours présent et apparent, et ceci jusqu'à la fin des temps. Il a ensuite dit sallallahu alayhi wa sallam: à cette époque, le véridique sera démenti et le menteur sera cru, et le digne de confiance sera considéré comme un traître et le traître comme quelqu'un de confiant, et l'insolent parlera. Les compagnons, ridwanullahi alayhim, dirent alors: et qui est donc l'insolent, au messager d'Allah? Il dit: il s'agit de l'imbécile ignorant qui parlera au sujet des affaires générales des gens. Et il a aussi été établi d'après le récit d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit: quelqu'un dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, quand arrêterons-nous d'ordonner le convenable et de condamner le blâmable? Il dit: lorsqu'il apparaîtra chez vous ce qui est apparu au sein des communautés qui vous ont précédé. On dit alors: ô messager d'Allah, et qu'est-il apparu au sein des communautés qui nous ont précédés? Et il dit: que l'autorité soit entre les mains des plus jeunes d'entre vous, et que la perversité soit présente chez les plus âgés d'entre vous, et que la science soit chez les gens qui ne l'appliquent pas. Les savants ont expliqué que ces gens-là ne mettront pas en application la science qu'ils auront acquise, et qu'il s'agissait des gens des passions qui suivent leurs passions. C'est-à-dire que la science de ces derniers se trouvera d'un côté, et que leur mise en application se trouvera d'un autre côté opposé, de sorte que le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam soient sur un chemin, et que ces gens soient sur un chemin opposé, qui ne soit pas orienté vers le livre d'Allah ni vers la sunna, et qui ne soit pas non plus orienté vers une compréhension authentique et juste. Et il a été établi d'après le récit d'Anas ibn Malik radiallahu anhu et autres que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'accrochera fermement à sa religion vers la fin des temps sera tel un homme qui tiendra dans sa main une braise de charbon ardente. À cette époque-ci, la récompense d'une seule personne équivaudra à celle de 50 personnes parmi les compagnons. C'est ainsi que le prouve l'épreuve tirée du livre d'Allah, le Coran, et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَبِ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. En quel récit croiront-ils donc après celui d'Allah et de ses versets? Il nous incombe donc de bien comprendre les versets d'Allah ainsi que la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des vieux prédécesseurs. Et quant à celui qui aura recherché un autre cheminement que celui-ci, il ne sera destiné en réalité qu'au malheur et au trouble. Et nous avons eu l'occasion de constater cela avec nos propres yeux, que certaines personnes qui avaient essayé d'introduire dans leur religion des actes qui n'étaient pas légiférés religieusement et qui avaient suivi une méthodologie autre que celle des compagnons bien guidés, ridwanullahi alayhim, que ces gens finirent par tomber dans des déviances et finirent par s'égarer. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillahi wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Toutes les louanges sont à Allah seul, rien ne lui est égal, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Il n'existe pas de chemin qui réunit les muslimouns, ni de sentier qui leur permettent d'acquérir les bonnes choses de ce bas monde et de la vie ultime, excepté celui indiqué par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont certes montré cette direction à travers le livre d'Allah et la sunna selon la compréhension des vieux prédécesseurs. Alors que celui qui désire le bien pour sa propre personne et agrée pour lui la droiture s'accroche donc à cela et qu'il y morde à pleines dents, car le nombre de gens qui appellent au fond et qui sèment le trouble a certes augmenté dans tous les pays et à toutes les époques. Ceux-là même qui appellent les gens à ce à quoi appelait Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Pharaon dit: je ne vous indique que ce que je je considère comme étant un bien et je ne vous oriente que vers la droiture. Comme par exemple le fait d'appeler les gens à s'essuyer avec de la terre provenant des tombeaux, ou bien encore à croire que les talismans et les porte-bonheur profitent aux gens ou leur sont nuisibles. Et ceci fabrique des mensonges à l'encontre des compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim, et les insulte parmi les gens de l'égarement, de l'innovation, des fables et du sectarisme, tout en prétendant bien sûr qu'ils sont sur un droit chemin. Alors que notre Seigneur Azza wa Jalla a dit: wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, dhalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Et si vous divergez à propos de quoi que ce soit, il incombe de revenir au jugement d'Allah. Tel est Allah mon Seigneur, en lui je place ma confiance et c'est vers lui que je retourne repentant. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Puis si vous vous disputiez au sujet d'une affaire, renvoyez-la à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela sera bien mieux et de meilleur aboutissement. Donc il y a, à travers ces preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la solution à tous ces troubles et problèmes, ainsi que ce qui permet de rassembler et de réunir les musulmans, de même que l'exposé de tout le bien de cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et quiconque se sera écarté de cela court en réalité à sa perte et est dans un égarement évident. Il a été établi dans le récit de Thauban radiallahu anhu, un des valets du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on craint qu'il vous sera exposé les communautés de tous les horizons comme est exposé le manger dans son plat. Nous dire: ô messager d'Allah, serons-nous ce jour-là en petit nombre? Il dit: vous serez nombreux ce jour-là, mais vous serez telle l'écume d'une rivière qui emporte avec elle tout et n'importe quoi. Et voilà notre preuve concernant ce récit, que l'important ne réside pas dans le grand nombre, ni non plus dans la grande quantité d'argent, ou bien encore dans le haut rang de noblesse, mais l'important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala réside plutôt dans le degré de piété de la personne, ainsi que sa droiture. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: inna alladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala: ya ayyuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-'azim. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, et il vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: ya ayyuha الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ô vous qui croyez, craignez Allah et croyez en son messager, et il vous accordera alors de part de sa miséricorde, et il vous assignera une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et il vous pardonnera vos méfaits, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certes rapporté d'après son Seigneur qui a dit: quiconque aura pris pour ennemi un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah est l'allié de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et quant à ceux qui ne croient pas, leur allié est le Tahout, tout ce qui est adorant dehors d'Allah, qui les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu de l'enfer, où ils y demeureront éternellement. Donc, si tu t'établissais sur le droit chemin, Allah sera alors ton allié. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatraw innahu bima ta'maluna basir. Établis-toi donc sur le droit chemin, comme cela t'a été commandé, ainsi que ceux qui se sont repentis. Repentis à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès. Il est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et Allah Azza wa Jalla a aussi dit: Fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lil mushrikeen. Établissez-vous donc sur son droit chemin et implorez son pardon, et malheur aux associateurs. Et il a été certes établi d'après le récit d'Ibn Umar radiallahu anhu qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsqu'il arrivera un temps où vous contracterez des ventes interdites et que vous occuperez tout votre temps à la culture de vos champs, et que vous délaisserez la guerre sainte, Allah fera descendre sur vous l'humiliation jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et notre preuve est dans la parole, jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et notre religion, qu'Allah nous a commandé, consiste à suivre le Coran et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui aura été apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, c'est-à-dire celui des compagnons du prophète radiyallahu anhum, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Et il a certes été établi d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: on craint qu'il vienne un temps où les gens seront tamisés. Il ne restera alors que les rebuts de la société qui ne tiennent pas leurs promesses ni ne prennent soin des dépôts, et qui seront en désaccord et désunis de cette façon en croisant ses doigts intensément. Les compagnons dirent alors: et qu'adviendra-t-il de nous, ô messager d'Allah? Il dit: vous reviendrez au fondement de votre religion et vous délaisserez toutes les choses nouvelles qui ont été apportées, et vous ne vous occuperez que de ce qui vous concerne et vous délaisserez les affaires générales des gens. Il est donc obligatoire à chaque musulman de se contenter de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons ridwanullahi alayhim se sont contentés en matière de pratiques religieuses, et quiconque ne s'en sera pas contenté n'aura rien à voir avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Certes, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. De cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. Puis nous t'avons dirigé vers une religion de notre ordre, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Certes, les injustes sont alliés les uns les autres, tandis qu'Allah est l'allié des gens pieux. Donc prenez garde de suivre les ignorants, car Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre cela. Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Puis nous t'avons dirigé vers une religion de notre ordre, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, ils ne te seront d'aucune utilité face à Allah. Certes, les injustes sont alliés les uns des autres, tandis qu'Allah, elle est des gens pieux. Walhamdulillahi rabbil alamin.